Chapitre 2e. Illusion pour illusion, je garde celle de Dieu. Il y a une année à peine, je terminais par cette phrase recueillie sur la bouche désormais close de notre ami Villiers de l'Isle-Adam, un portrait pittoresque du dernier commandeur de Malte. Le bruit avait couru dans la chrétienté que le pape se proposait de relever le vieil ordre chevaleresque. C'était la conversation des cafés et des parlottes dont Villiers était le roi. Je voulus avoir le cœur net de l'aventure, et un matin j'allai surprendre notre ami à son petit lever. L'écrivain habitait, tout près du boulevard Clichy, un appartement sans air et sans lumière, où son rêve étouffait en trois pièces presque nues. La plus grande était aux trois quarts remplie par un large piano d'acajou à queue qui laissait bien peu de place pour la table de travail. J'étais venu frapper dès l'aurore à la porte de Villiers, car il demeurait dans cette triste maison juste le temps de prendre un peu de repos, après ses interminables veillées de noctambule, arrêtées sous un réverbère à 2 heures du matin, en hiver, par le vent et la neige, pour discourir sur une épithète ou sur une erreur de ponctuation. Et comme j'y comptais bien, je trouvai le camarade au lit. Il enfila en hâte cette robe de chambre à fleurs éteintes et ses si commodes pantoufles qu'il a célébrées lui-même dans Catalina. Ces deux objets de toilette, son grand piano au son pur et quelques livres de métaphysique allemande, étaient les seules épaves que Villiers eût sauvées de tous les naufrages. Plutôt que de s'en dessaisir, il aurait payé de son sang les exigences de Shylock. Quand nous fûmes assis en face l'un de l'autre, lui sur son tabouret de piano, moi à la place de l'hôte, dans le grand fauteuil, et que je lui eus exposé le motif de ma visite matinale, il me considéra avec inquiétude. C'est un métier qui a son charme. Je vous assure que d'inviter les gens à vous parler d'eux-mêmes quand on les a tout d'abord avertis qu'on est tout un public à les écouter. La façon dont le visité se tire de cette aventure difficile en apprend souvent bien plus long à un visiteur un peu perspicace sur le caractère et la nature de son modèle que des renseignements donnés avec toute la bonne foi du monde. Il y a, en ces occasions, une façon de ne se montrer ni humble ni fanfaron qui sent son honnête homme. Il y en a mille de découvrir sottement le défaut de sa cuirasse et de laisser percer son ridicule. L'excellent Villiers ne chercha point à dissimuler son émotion. Encore qu'il fût singulièrement mystificateur, ironique, et qu'il soit bien difficile de savoir si ce fut par gageur ou par naïveté, qu'il vint un jour réclamer à Napoléon III le trône de Grèce. Il est sûr qu'il souffrait de voir ses chimères tournées en ridicule par des badauds irrévérencieux. « Quoi ? » me dit-il. « Vous voulez que je vous parle de Malte ? Comme cela, à 9 heures du matin ?» Et il attachait au parquet des regards concernés, fixes, d'enfants, qui, par de mauvais subterfuges, veut échapper à son pédagogue. Tout le tempérament de l'homme est dans cette exclamation et dans cet embarras. Villiers n'a jamais été le maître ni de son esprit ni de son âme. Comme l'autre, le philosophe, comme tous les inspirés qui se sont assis sur les trépieds pour rendre des oracles, il était la proie d'un démon familier qui l'envahissait à certaines heures, le transfigurait, l'enlevait au-dessus de soi-même, puis sortait de lui, le laissait vide. Ceux qui ont connu Villiers dans l'intimité des conversations, accoudés sur la table, savent bien à quoi je fais allusion. On suivait dans l'œil bleu de notre ami ses départs et ses retours de la pensée. Quand l'esprit abandonnait Villiers, le regard se voilait, se ternissait, comme s'il eût traversé pour venir jusqu'au vôtre l'épaisseur d'un carreau dépoli. Puis subitement se rallumait la flamme. Alors tout le visage s'animait, la tête s'inclinait sur l'épaule, les pointes fines des moustaches à la Richelieu, des moustaches de chat, tremblaient au-dessus du sourire. Un tic de la main et du cou rejetait perpétuellement sur l'oreille les cheveux longs qui grisonnaient. Tel, pendant des années, aux tables de gens de lettres, sur les divans de rédaction, aux terrasses des brasseries et des cafés de nuit, on a vu Villiers, correct, ironique, discourant. Dès qu'il entrait, le cercle se formait pour l'entendre car c'était un causeur extraordinaire. Daudet fait dire quelque part à son Numa Roumestan « Quand je ne parle pas, je ne pense pas ». Villiers, bien que né en Bretagne, répétait volontiers cet aphorisme. En romantique convaincu, il croyait à la vertu secrète des mots pour éveiller la pensée. La parole le grisait comme du champagne, et ses idées ne se clarifiaient que dans cette ivresse. Elle était décuplée chez lui par un état maladif d'anémie cérébrale, causé par des privations de toutes sortes, par l'épuisement de la misère. Dans cette faiblesse, un petit verre de fine suffisait à délier sa langue. À partir de minuit, Villiers pouvait monologuer pendant des heures, parlant comme dans un rêve, contant des histoires terrifiantes, ténébreuses, jusqu'à ce que sa pensée, se dégageant des brumes, revêtît tout d'un coup une forme parfaite. Guy de Maupassant m'a conté qu'un jour, il s'était trouvé réuni à une même table avec l'auteur de L'Ève future, messieurs de Brazza, Molière et Charles Franconi. Dès le poisson, Villiers, très lancé, commença de discourir. L'explorateur ouvrait des yeux énormes. Les deux hommes de cheval s'en allèrent stupéfaits des propos de cet homme de lettres. Ils crurent qu'on les avait fait dîner avec un fou. Je ne me consolerai jamais d'avoir manqué ce dîner-là, en souvenir d'une autre réunion d'honnêtes gens où Villiers prit également la parole et subitement, perdant pied, se mit, pendant un bon quart d'heure, à monologuer en hébreu qu'il entendait seul. Vous avez lu plus haut l'aventure comique de ces papiers de famille, plus anciens et aussi authentiques que ceux des Montmorency, que Villiers de l'Isle-Adam avait malencontreusement éclaboussé de café. Cette tache noire de café qui souillait ses titres de noblesse, Villiers l'avait aussi dans l'esprit. C'est ce qui l'a empêché, malgré des dons de génie, de dépasser le public des lettrés pour obtenir l'admiration de tous. Ce défaut de clarté apparaît surtout quand on compare l'œuvre de Villiers à celle de Flaubert. « Je connais peu d'esprits qui me semblent plus cousins que ceux-là. » Nés de la même génération, enivrés l'un et l'autre de romantisme, ils tenaient de la nature des qualités et des défauts analogues. Leur culte des lettres était le même, intolérant, exclusif, presque religieux. Leur philosophie était identique. La défiance du savoir humain, l'ironie pour ceux qui croient à son absolu. Et l'un et l'autre, ils avaient la passion de l'observation exacte avec le goût contradictoire de la légende. Mais dans la lutte pour saisir l'idée, pour l'étreindre, pour l'enfermer dans le moule du mot, pour la lier, comme un anneau dans une chaîne, aux pensées qui la précèdent et qui la suivent, Flaubert a été le maître ouvrier parce qu'il a été le plus laborieux. Pendant des mois, pendant des années, il avait eu, lui, le courage de la retraite, de la méditation solitaire. Villiers s'est perdu dans la foule. Quelques natives difficultés qu'il éprouva, quand il était seul avec sa pensée, à la prendre corps à corps, une meilleure discipline de travail aurait dompté sa fougue capricante. Il avait à son service une des imaginations les plus fougueuses qu'un homme ait jamais possédées. C'était proprement un dragon ailé toujours prêt à partir pour le pays de chimères, impatient du joug bas du sens commun, superbe dans les envolées, vite fourbu quand on l'asservissait aux besognes longues, régulières, laborieuses. Villiers ne s'est jamais sérieusement efforcé d'atteler cette chimère à la charrue. Il aimait mieux se laisser emporter par elle, éperdu, à moitié fou, au pays du fantastique. Et c'est vraiment là qu'il a régné en roi, c'est là qu'il s'est taillé sa province, un domaine dont on ne le dépossédera pas. C'est là qu'il se réfugiait de toutes les tristesses de sa vie manquée, de tous ses rêves de gloire, d'amour et de chevalerie. Lorsque, assis à son piano, il jouait de souvenirs les opéras de Wagner qu'il avait été entendre à Bayreuth, son visage s'illuminait. Il s'arrêtait avec extase au seuil de ce monde fantasmagorique et chevaleresque. Il jouissait de l'enivrement du vague de la langue musicale qui enveloppe la pensée comme d'un nuage, sans l'obliger aux contours précis. À ces minutes, on sentait bien que le décor de sa triste chambre était envolé, qu'une fée y était attendue qui allait donner enfin au poète meurtri la forme radieuse du cygne. C'est la mort qui est venue ouvrir cette porte, rendre à l'âme captive la liberté du vol. Les amis qui entouraient Villiers de l'Isle-Adam à cette minute ont dit qu'ils l'avaient béni, pour ce que, après tant d'angoisses et de luttes, elle lui apportait le repos. Ainsi s'achève ce portrait de cire de Villiers de l'Isle-Adam par Hugues Leroux.